Mourir. À quel âge? Ryokan, le poète du XVIIIe siècle, le saint François d'Assise du bouddhisme, qui savait parler aux plantes, aux insectes, aux oiseaux, était connu dans tout le Japon pour sa sagesse et l'efficacité de ses kitō. On venait de tout le pays le consulter et lui demander d'intercéder auprès des dieux. Or, un matin, un honorable moine, tout sec, tout desséché par l'âge, se présenta devant la cabane de branchage. « Je suis honoré de ta visite, saint moine, » dit Ryokan. « Ta réputation de bonté est parvenue jusqu'à moi. Que désires-tu ? » « Je voudrais un kitō, » dit l'homme en caressant sa barbe courte et blanche. « Volontiers, » dit Ryokan, « et que souhaites-tu ? » « Je voudrais que ma vie soit longue. »« Quel âge as-tu ? » ?»« J'ai 80 ans, depuis les dernières fleurs de cerisier. » Jusqu'à quel âge dois-je demander au Dieu que ta vie se prolonge? 100 ans. 100 ans me paraît un bon chiffre, oui, 100 ans, c'est bien. Je suis étonné, dit Ryokan, par la modestie de ta requête. Tu es venu de très loin pour me réclamer ce kitō. Pourquoi te contenter de 100 ans? Il est vrai, soupira le visiteur, que je répands constamment autour de moi sagesse et bienfait. Que ne pourrais-je faire si je vivais davantage? Disons 120, 130, fixons plutôt un chiffre rond, 150 ans. Est-ce possible? Bien entendu, fit Ryokan, nous disons donc 150 ans. Mais kitō étant très précis, je vais t'en préparer un pour 150 ans exactement. Mais tu as bien réfléchi. Tu as 80 ans, il te restera 70 années à vivre, moins que tu n'as déjà vécu. Mais c'est bien ce que tu désires. Tu es un homme sage et peu exigeant. Attends encore un instant, fait l'octogénaire. Il est vrai que 70 ans, c'est peu de chose. Mes 80 premières années s'en sont allées comme un songe. Et c'était hier, me semble-t-il, que je jouais avec mes frères et sœurs dans le jardin de mes parents. La seconde partie de la vie, observe Ryokan, est comme l'autre versant de la colline. On le descend bien plus vite que l'on a gravi le premier. Soit. Je me rends à tes raisons, sage Ryokan. Fais-moi un kitō pour, disons, 300 ans.